Cuisine Référence. Cuisine Référence, recommandée pour ses cuisines sur mesure et son accompagnement. Vous aussi, vous nous recommanderez. Cuisine Référence, créateur cuisiniste. Et en ce moment, jusqu'à 3000 euros offerts sur votre cuisine. Conditions sur cuisine-référence.fr. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Dominique Venner, 60 ans d'extrême droite française. Le 23 mai 2013, un homme se tire une balle dans la bouche en plein cœur de Notre-Dame, à Paris. Un certain Dominique Venner qu'on présente comme un opposant au mariage pour tous. L'actualité est alors phagocytée par les débats, pour beaucoup homophobes, autour du mariage entre personnes du même sexe. À quelques jours d'une manifestation des opposants à la loi, le suicide de Venner passe que presque pour une péripétie dans la démonstration de force du camp conservateur. Pourtant, l'homme est loin d'être seulement un affidé de la manif pour tous. Dominique Venner a labouré les champs de l'extrême droite pendant une soixantaine d'années avant de se donner la mort. Et en vivant plusieurs vies, celle d'aspirant putschiste, pour commencer, il veut leur prendre le pouvoir par les armes, militant politique ensuite, créant des partis et des groupuscules, soutien des premières campagnes électorales d'extrême droite de l'après-guerre. Et pour finir, penseur, théoricien, au travers d'une multitude d'ouvrages qui ont structuré la pensée raciste et suprémaciste en France et en Europe. Notre invité aujourd'hui, Renaud Dely, journaliste éditorialiste à France Info. Il est l'auteur d'une biographie de Dominique Venner, intitulée « L'assiégé », paru en janvier dernier aux éditions Jean-Claude Lattès. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Sylvie Fagnard, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Charles Decilla. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Comme souvent à Paris, le printemps est encore bien gris en ce dimanche 23 mai 2003. Un vent frisqué fait frissonner la trentaine de personnes qui battent le pavé sur le trottoir devant la salle Wagram dans le 17e arrondissement de Paris. Il faut être motivé, et elles le sont, ces personnes, venues écouter un hommage rendu à Dominique Venner, mort 10 ans auparavant. Parmi elles, toute la galaxie pensante de l'extrême droite, Furax. Car la veille au soir, le préfet de police a interdit l'événement. Raison avancée, il existe des risques sérieux pour que, à l'occasion de cet hommage, des propos incitant à la haine et à la discrimination soient tenus. Dont acte. Mais quel est donc cet homme dont l'hommage, 10 ans après la mort, fait déplacer le gratin de l'extrême droite et craindre des débordements de la part de la police? Retour au jour de son suicide, le 23 mai 2013. Également dans l'actualité française, le suicide d'un homme à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cela s'est passé cet après-midi. Il s'est donné la mort sous le regard de nombreux touristes. Bonsoir Julien Beaumont. Cet homme était un opposant résolu au mariage pour tous, ce qui pourrait peut-être expliquer son geste. Eh bien, sur le corps de Dominique Venner, 78 ans, les policiers ont retrouvé plusieurs lettres. Ils sont en train de les analyser. Mais l'élément le plus important, c'est bien sûr le blog de cet essayiste, de cet écrivain très connu dans les milieux d'extrême droite. Eh bien, pas plus tard qu'aujourd'hui, il écrivait contre ce qu'il appelle cette loi infâme, comprenez la loi pour le mariage pour tous. Et il écrivait ces mots, il faudra des gestes nouveaux, spectaculaires et symboliques pour ébranler les somnolences. Eh bien, c'est justement ce qui s'est passé, un geste désespéré. Quant à 16h, il est entré dans la cathédrale. Vous savez, il n'y a pas de contrôle. À l'intérieur, devant le premier hôtel, il a sorti une arme et devant 1500 personnes, il s'est donné la mort. Deux gardiens ont tenté de le réanimer sans succès. Dominique Venner est plus précisément l'un des fils rouges de l'histoire de l'extrême droite française d'après-guerre. Celui qui fait le lien avec des groupuscules identitaires violents jusqu'au Rassemblement National, en passant bien sûr par Éric Zemmour et son mouvement Reconquête. Avril 1945, Dominique a 10 ans et son père vient de perdre la guerre. Architecte, Charles Venner a fait fortune en construisant des églises pour le compte d'un ordre jésuite. Dès les années 30, il embrasse la cause des Croix de Feu, puis prend sa carte au Parti populaire français de Jacques Doriot, la principale formation collaborationniste. Sous Vichy, la mère de Dominique, Odette, est décorée par le maréchal Pétain pour service rendu à la Révolution nationale. Elle a eu 5 enfants donnés à la France. Et Dominique en est le benjamin. La famille Venner vit donc fort agréablement la période de l'occupation. Mais la libération va sonner le glas de cette félicité. les Véler connaissent qui plus est un drame intime. Odette meurt d'un cancer en 1946, laissant son petit Dominique orphelin. Les aînés quittent rapidement le vaste appartement familial de la rue de Breteuil dans le 7e arrondissement. Et Dominique se retrouve en tête-à-tête avec un père inconsolable qui ne trouve plus le moindre intérêt à la politique. Le jeune Vénère, lui, rêve d'aventure et de gloire. Enfant solitaire, il s'exacte en dévorant les aventures de Prince Eric, une série de romans où un jeune scout prend la tête d'un royaume imaginaire de Scandinavie. Blondeur, bravoure et esprit de sacrifice sont les points cardinaux de cette saga, très en vogue chez les rejetons de la bonne société nostalgique des splendeurs nationalistes. La seule voie d'avenir à laquelle songe Dominique Vénère, c'est l'armée. En 1953, il part faire ses classes à l'école d'officiers de Ruffac, en Alsace. Les conditions sont spartiates, mais les ordres sont les ordres. Dominique Vénère est aux anges, il a trouvé sa place. Le problème, c'est que son désir ardent d'aller casser les Viet se fracasse contre la défaite française à Dien Bien Phu. Alors, à la place de l'Indochine, ce sera l'Algérie. Vénère y pose armée bagages fin août 54 dans un environnement a priori tranquille pour l'armée française jusqu'à la Toussaint de cette année-là. Pendant la nuit du 31 octobre au 1er novembre, on a tué, incendié, provoqué l'émeute et le désordre. Et pourquoi ? Pourquoi donc furent-ils abattus, ce jeune instituteur et sa femme, qui devaient le lendemain commencer leur belle et difficile mission au cœur même de l'Aurès ? Ils venaient apporter aux enfants algériens les leçons d'une vieille et haute culture, en même temps que les richesses d'un cœur fraternel. Que cherchaient donc leurs assassins ? Crimes odieux contre d'innocentes victimes, crimes absurdes, et qui seront châtiés car celui qui emploie de tels moyens doit savoir qu'il sera frappé à son tour. L'Algérie, c'est la France, et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. Dans le massif des Aurès, le jeune officier Vénère marque cette autorité de la France, annoncée par François Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur. Sec comme un coup de trique, tout en muscles, il parcourt le Djebel sans relâche avec ses hommes pour traquer les militants du Front de Libération Nationale, le FLN qui combat pour l'indépendance de l'Algérie. Et il n'est pas rare que la petite troupe sous les ordres de Vénère incendie une ferme dont les occupants sont soupçonnés d'intelligence avec les rebelles. Fréquent aussi que des enfants ou des vieillards soient battus par ces hommes portant les couleurs de la France. Brimade, violence, humiliation, Vénère couvre les agissements de ses soldats. D'ailleurs, toutes ces cruautés ne font pas frémir le jeune homme, au contraire. Plus tard, il écrira « C'était le moment d'avoir 20 ans ». Le fameux avoir 20 ans dans les Aurès, et à l'envers cette fois. Or, cette forte tête qu'est Vénère, qui peut entraîner ses hommes dans des expéditions hasardeuses dans la montagne aride, ne se fait pas que des alliés au sein de la hiérarchie militaire. De toute manière, il méprise copieusement ses supérieurs, qu'il qualifie de fainéants indécrottables, éthylique au dernier degré. Comme quoi, l'armée ne comble pas ses rêves de grandeur héroïque. Il écope même d'une enquête après un énième accrochage qui tourne mal avec les villageois. Alors, il doit se trouver d'autres compagnons de lutte. En juillet 1955, au cours d'une permission à Paris, il découvre l'existence de Jeunes Nations dans un article du Figaro. Jeunes Nations, c'est un petit groupe qui se réunit dans les caves d'un tabac de Châtelet. On y trouve pas mal de fils à papa épurés par la libération, comme Pierre et François Silos, les fondateurs du mouvement. Mais tous ne sont pas issus de la bonne bourgeoisie, ce qu'apprécie Vénère, qui exècre son milieu d'origine. Dans les volutes des cigarettes, la petite troupe refait le monde, un monde dans lequel la France porterait haut son empire, une France dirigée par un régime autoritaire où les métèques n'auraient pas leur place. Avec un autre ennemi en ligne de mire, les communistes, qui selon eux excitent les indigènes contre les honnêtes colons. Contre eux, Jeunes Nations usent de la dialectique des coups de poing. Illustration avec cette soirée du 7 novembre 1956. Une grande manifestation est organisée sous l'Arc de Triomphe, à Paris, pour soutenir les révoltés de Budapest, qui viennent d'être écrasés par les chars soviétiques. Vénère et ses compagnons de Jeunes Nations sont parmi ceux qui traitent Moscou d'assassins et qui hurlent « Ils initient alors un mouvement de foule, direction Carrefour de Châteaudun, au siège du Parti communiste que dirige Maurice Thorez. La suite, c'est un film de propagande du PCF qu'il raconte. Novembre 56, la lueur blafarde de l'incendie allumé en Hongrie a fait croire un moment à la réaction que le socialisme allait être abattu. Mais l'Union soviétique a mis un terme à cet espoir. Alors toujours les mêmes, Laniel, Bidault, Pinet, Pleven et leurs semblables vont pousser quelques fils à papa, solidement encadrés de paras et d'hommes de main spécialisés, à tenter de reconstituer à Paris les crimes de Budapest, où les émeutiers avaient pu dire « la chasse aux communistes a remplacé le cinéma comme divertissement ». Eh bien, fascistes français, divertissez-vous. Passez donc, je vous en prie, c'est par là. Au siège du parti, une poignée de défenseurs qui se bat avec acharnement contre une meute déchaînée réussit à mettre à mal les agresseurs, ce que la réaction cachera d'ailleurs soigneusement par la suite. Cette réaction désinitie tout à la fois les défenseurs de la liberté, horrifiés par la demande de liberté écrasée à Budapest, que les fascistes de jeunes nations qui, eux, veulent casser du coco. Mais il y a derrière les formules fracassantes un fait bien réel. Ce 7 novembre 1956, des milliers de gens, dans le sillage d'un groupuscule nationaliste, ont attaqué le siège du Parti communiste français. Le bâtiment est mis à sac, un début d'incendie se déclenche, les pompiers évacuent tout le monde. Dominique Vénère et les siens se rabattent sur les bureaux de l'Humanité à quelques encablures de là. L'UMA, qui titrait le matin même « Budapest retrouve le sourire », alors qu'en réalité la capitale hongroise pleure toujours ses morts. Mais des militants sont venus en nombre défendre le journal communiste. Bilan, au lendemain matin, 30 blessés hospitalisés, dont 2 policiers. Et 3 manifestants sont dans un état grave. Ces affrontements font bien sûr la une de la presse. Jeune nation gagne en autorité et en adhérents. Dominique Vénère, lui, en fait sa religion, la violence paie et paiera. Et il se trouve qu'en cette fin fébrile de la 4ème République, les occasions de faire le coup de poing ne manquent pas. Jeune nation joue le jeu du chaos devant l'ambassade des États-Unis ou devant l'Assemblée nationale. Mais le général de Gaulle va porter un coup d'arrêt à cette ambition. Rappelé à la rescousse par les généraux partisans de l'Algérie française, le plus illustre des Français façonne une nouvelle république à sa sauce en ce printemps 58. Dominique Vénère exècre le général. Dans le journal de Jeune Nation, il lui reproche d'être entouré de juifs. Le général de Gaulle préfère les mectèques à ses officiers, écrit-il. Quelques semaines après, le nouveau pouvoir en place dissout le groupuscule nationaliste. Dominique Vénère et François Sidos vont dormir pour la première fois en prison, 3 semaines à la santé. Mais à peine à l'air libre, Vénère dépose les statuts d'un nouveau mouvement, le Parti nationaliste. Même objectif, le renversement du régime, mais la méthode se veut différente. Comme le pouvoir gaulliste montre les muscles, les nationalistes vont crier moins fort leur volonté putschiste et mettre en œuvre la dissimulation que Vénère conseille à ses acolytes. Comme ici, dans une lettre qu'il leur adresse en novembre 1958. Ne jamais aborder des sujets qui pourraient choquer par la façon de les présenter des nouveaux venus ou des jeunes membres. Ainsi, le problème métèque, que nous expliquons fort bien, ne doit jamais, dans un exposé ou une conversation, être abordé avec comme perspective le four crématoire ou la savonnette. Et cela, quelles que soient les mesures que nous aurons à prendre lorsque nous serons au pouvoir. Des paroles aux actes, le chemin est parfois long. Quelques mois plus tard, c'est le retour à la casse-prison pour Dominique Vénère. Pour l'agression de 4 étudiants martiniquais près de la gare du Nord, il est condamné à 3 mois de prison et 5 ans d'interdiction de droit civique. Vénère a désormais 24 ans. Il comprend qu'il doit se défaire de son goût pour la bagarre. Mais il ne laisse pas tomber l'action politique. D'autant qu'il pressent que le général, en dépit de ses promesses, va porter un coup fatal aux joyaux de l'Empire colonial français. N'a-t-il pas commencé à parler d'autodétermination des Algériens ? De l'autre côté de la Méditerranée, les partisans de l'Algérie française ont le même pressentiment. Ce qui provoque une manifestation à Alger. Ici Alger, RTF. Tension accrue à Alger ce soir, au point que l'on entend des détonations et des coups de feu à travers la ville à l'heure où je vous parle. Mais reprenons, si vous le voulez, le fil des événements. Après les rassemblements pacifiques de la fin de matinée, les manifestants rassemblés au pied du monument aux morts face à la Grand Poste ont reçu peu à peu des renforts venus des quartiers périphériques. Vers 15h, on pouvait évaluer leur nombre à 8000 environ. Au balcon de la compagnie algérienne de crédit, PC du Front National Français, les orateurs se succédaient. Tous exhortaient les présents à inviter la population à se masser en ce nouveau centre de l'insurrection. Ce mot d'insurrection se justifiait un peu plus tard. Dans les rues principales, les plus jeunes des manifestants, âgés de moins de 20 ans pour la plupart, armés de matraques improvisées, bloquaient la circulation en déplaçant les voitures particulières au travers de la chaussée. À 17h, ces barricades improvisées étaient remplacées progressivement par les pavés des artères principales et les rails des défunts tramways. Et cela, sur plus d'un mètre de hauteur. À Paris, Dominique Vénère prend le parti de l'insurrection, bien sûr, et il se démène pour organiser des manifestations en soutien des barricadés d'Alger. Du côté du pouvoir gaulliste, la priorité est à la chasse aux séditieux. Un mandat d'arrêt est émis contre Vénère, il bascule dans la clandestinité. À Paris, où a été rapatrié d'Algérie ne pas l'enquer de médailler, Vénère tisse sa toile. Il convainc certains gradés de marcher sur l'Élysée. Puis il constate qu'il se débine. Eh bien tant pis, il partira à l'assaut sans eux. Ainsi, le matin du 8 avril 1961, il embarque trois membres du Parti Nationaliste et plastique l'entrée du Mouvement Républicain Populaire, le MRP, le parti centriste charnière de la 4e République, auquel il reproche des positions indépendantistes. Mais ce n'est qu'une répétition avant le jour J. 10 jours plus tard, le 19 avril, Vénère peaufine son plan dans son QG des Halles. Des camions, des mitrailleurs, et il organise la prise de l'Élysée. Mais à la sortie du restaurant, des gaillards l'interceptent. C'est la brigade criminelle, inculpée pour atteinte à la sûreté de l'État et reconstitution de ligue dissoute. Il retrouve les cellules de la santé. Pourquoi cette fanfare, quand les soldats par quatre attendent les massacres sur le quai d'une gare? Pourquoi ce train ventru qui ronronne et soupire avant de nous conduire jusqu'au malentendu? Pourquoi les chants, les cris des foules venues fleurir, ceux qui ont le droit de partir au nom de leur connerie? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi l'heure que voilà, où finit notre enfance, où finit notre chance, où notre train s'en va? Pourquoi ce lourd convoi chargé d'hommes en gris, repeint en une nuit pour partir en soldat? Pourquoi ce train de pluie? Pourquoi ce train de guerre? Pourquoi ce cimetière en marche vers la nuit? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi les monuments qu'offriront les défaites, les phrases déjà prêtes qui suivront l'enterrement? Pourquoi l'enfant mort-né, que sera la victoire? Pourquoi les jours de gloire que d'autres auront payés? Pourquoi ces coins de terre que l'on va peindre en gris, puisque c'est au fusil qu'on éteint la lumière? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi ton cher visage dégrafé par les larmes qui me rendaient les armes aux sources du voyage? Pourquoi ton corps qui sombre, ton corps qui disparaît et n'est plus sur le quai qu'une fleur sur une tombe? Pourquoi ces prochains jours où je devrais penser à ne plus m'habiller que d'une moitié d'amour? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Dominique Vénère, 60 ans d'extrême droite française. Affaires Sensibles sur France Inter. Trois jours après son incarcération à la Santé, Dominique Vénère assiste de loin à l'effondrement de son fantasme putschiste. Le 22 avril 61, quatre généraux bardés de décorations et d'étoiles tentent de renverser le pouvoir gaulliste. En l'espace de 3 heures, deux régiments s'emparent des points stratégiques d'Alger. Radio Alger, rebaptisée Radio France, annonce à 7h du matin « L'armée a pris le contrôle de l'Algérie et du Sahara. L'Algérie française n'est pas morte. Vive l'Algérie française, que vive la France !» L'état d'urgence est déclaré. À Paris et ailleurs en métropole, des cortèges de manifestants se forment pour protester contre ce putsch. Et dans la rue, le pouvoir gaulliste est confirmé. Le lendemain soir, le 23 avril à 20h, le général apparaît à la télé. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamento militaire. Les coupables de l'usurpation ont exploité la passion des cadres de certaines unités spéciales, l'adhésion enflammée d'une partie de la population de souche européenne, égarée de craintes et de mythes, l'impuissance des responsables submergés par la conjuration militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers partisans ambitieux et fanatique. Et De Gaulle ajoute « J'interdis à tout Français et d'abord à tout soldat d'exécuter aucun de leurs ordres. » Et petit à petit, les troupes qui avaient suivi les généraux factieux se rendent. Parmi ceux-là, certains se constituent prisonniers. Les autres entrent en clandestinité auprès de l'OAS. Et le 26 avril, tout est rentré dans l'ordre. Entre les quatre murs de sa cellule, Dominique Vénère ne peut que ruminer cet échec. Par 3 fois, les militaires et les militants de l'Algérie française ont tenté de renverser le cours de l'histoire. Par 3 fois, ils n'ont pas entraîné la population derrière eux. Foudrage, Vénère écrit en ligne serrée un texte intitulé « Pour préparer l'action ». 15 pages de papier quadrillé non signé, dans lesquelles il exprime sa conviction. Il faut une doctrine pour mener cette révolution nationaliste dont il rêve depuis ses 20 ans. Vénère est toujours en prison quand sont signés les accords d'Évian le 18 mars 1962. L'Algérie est désormais indépendante. L'Empire français a vécu. Les Arabes, qu'il a toujours vus comme les ennemis de la civilisation européenne, ont emporté la partie. Et un autre drame frappe Vénère au plus proche. Son meilleur ami de toujours, rencontré à l'école de Rouffach, ce presque double qu'il a entraîné dans toutes ses péripéties militantes, Michel Leroy, vient d'être assassiné. Et par son propre camp. En janvier 62, en effet, c'est l'OAS qui l'abat, le considérant comme un traître. Vénère retourne alors sa veste. Il reprend la plume pour conspuer l'organisation armée secrète qu'il traite désormais de comploteur d'opérette. Son texte, bref, intitulé pour une critique positive, il le commence par une critique en règle de la stratégie adoptée par la faction pro-Algérie française. Puis il martèle, il faut changer de stratégie, sortir de la logique minoritaire. La prise de pouvoir ne peut se faire contre la volonté populaire. Mais comment le gagner, ce peuple? Comment le faire adhérer? Parce que Vénère admet qu'il n'existe pas de révolution spontanée. Alors sa solution, la voici dans le texte. La France et l'Europe doivent accomplir leur révolution nationaliste pour survivre. Des changements superficiels n'atteindraient pas le mal. Rien ne sera fait tant que les germes du régime ne seront pas extirpés jusqu'à la dernière racine. Pour cela, il faut détruire son organisation politique, abattre ses idoles et ses dogmes, éliminer les maîtres officiels et occultes, montrer au peuple combien on l'a trompé, exploité, souillé. Enfin, reconstruire. Non sur des constructions de papier, mais sur une élite jeune et révolutionnaire, pénétrait d'une nouvelle conception du monde. Une avant-garde composée d'une jeunesse saine, non corrompue. Un corps sain dans un esprit sain, un marqueur bien connu des systèmes totalitaires. Mais pour rédiger cette Bible du militant nationaliste, Wenner puise étonnamment son inspiration chez un auteur, inattendu pour le coup, Lénine. Sorti clandestinement de prison grâce à un journaliste de Rivarol, le texte de Wenner connaît un succès fulgurant. Il passe de main en main chez les anciens adhérents de Jeunes Nations, du Parti Nationaliste ou encore de la Fédération des étudiants nationalistes. Et toute cette jeunesse qui rêve de recréer la splendeur d'une France soi-disant perdue reprend espoir à la lecture de ce bréviaire. À la fin de l'année 62, Wenner a purgé sa peine. Dès sa sortie de prison, il retrouve le noyau dur de ses groupuscules et les convainc de sa nouvelle tactique. Et c'est une rupture radicale avec les 10 dernières années. L'action violente et clandestine s'est terminée. Il est temps de passer maintenant à la légalité et à la conviction des masses sur le temps long. Il faut donc créer des lieux de diffusion de leurs idées. Au local de la Fédération des étudiants nationalistes, Wenner fait la connaissance d'un certain Fabrice Laroche, son cadet de presque 10 ans. L'homme se nomme en réalité Alain de Benoît. À la fin des années 60, il va se révéler comme l'animateur de la Nouvelle Droite, qui n'est autre qu'une extrême droite dans des habits propres d'intellectuels. Cette rencontre va donner naissance à une première revue, et d'autres suivront. La première, Europe Action, sortie du premier numéro janvier 63. Au fil des pages, Dominique Wenner, maître de la publication, peut dérouler ses obsessions. Dans le numéro 11, daté de novembre, on lit « Nous avons perdu l'Algérie et l'Afrique, mais nous avons gardé les Algériens. Quant aux Noirs, leur nombre augmente à grande cadence. » Un an plus tard, en octobre 64, un gros titre barre la couverture. Nous serons bientôt 1 million. Numéro après numéro, Wenner déverse son angoisse de la submersion de l'Europe par des hordes d'étrangers, détruisant ainsi, selon lui, la civilisation européenne millénaire, rationnelle et lumineuse, supérieure aux barbares sous-développés. Ça rappelle quelque chose. Ne voit-on pas là les racines du fantasmatique grand remplacement ? Mais un journal comme Europe Action, tiré à 10 000 exemplaires, ne suffit pas à soulever les foules. Et tout à sa nouvelle foi légaliste, Wenner veut jouer le jeu de la démocratie. 2 ans avant l'échéance de la présidentielle de 65, donc dès décembre 63, il se rapproche de Jean-Louis Tixier-Vignancourt et mise sur le rassemblement de la large famille nationaliste sous cette bannière pour faire chuter le général de Gaulle, encore et toujours honni. Wenner prend une part active à cette campagne. Dans les rangs des militants, il fait la rencontre de Jean-Marie Le Pen, l'ex-député poujadiste et le directeur de campagne de Tixier-Vignancourt. Ensemble, ils sont chargés de la propagande anti-immigration. Leur slogan « Stop à l'immigration algérienne ». Mais le résultat des votes n'est pas à la hauteur de leur implication. Les élections présidentielles au suffrage universel auront fait d'entrée une victime, l'abstentionnisme. C'est en masse que les électeurs sont venus choisir parmi les 6 candidats, dont M. Marcel Barbu, celui qui leur semblait le plus apte à la magistrature suprême. 28 402 000 électeurs. M. Marcilassi était inscrit à Jarnac. 85%, dont M. Tixier-Vignancourt, ont voté, ce qui représente la plus forte participation jamais enregistrée. Les votants qui se sont déplacés en masse, effectivement, n'ont pas choisi l'extrême droite. Et Jean-Louis Tixier-Vignancourt termine avec 5,2% des suffrages. Cela dit, cet échec n'atteint pas Wenner dans sa conviction de porter ses idées dans l'arène politique. Alors, il crée à nouveau un parti. Il s'appellera celui-là le Rassemblement Européen pour la Liberté. De Gaulle a gagné une nouvelle fois. Il faut désormais peser sur les élections législatives de 67. Avec un objectif, participer aux émissions de télé et de radio. Le Rassemblement Européen de la Liberté pourra en principe participer à cette campagne radio-télévisée puisqu'il présentera 75 candidats. C'est le minimum de candidatures requises par les textes. Hier soir, l'animateur de ce Rassemblement Européen de la Liberté, M. Dominique Wenner, a tenu une réunion pour présenter son organisation et ses objectifs. Nous ne sommes pas des gens d'extrême droite, a-t-il précisé. Nous ne nous intégrerons pas dans la majorité ni dans la pseudo-opposition. Il n'y a pas de catégorie pour nous placer. Voilà notre vrai visage. Le REL, je rappelle, tiendra un meeting au Palais de la Mutualité le 28 février. Cette nouvelle joute électorale, démarrée en trombe par un meeting, est encore un échec. Dominique Venner ne parvient pas à trouver les 75 volontaires nécessaires pour se présenter. La liste du REL ne propose au final que 27 candidats sur les 491 circonscriptions soumises au vote. Au soir du premier tour, il ne recueille que 2,5% des suffrages en moyenne, autrement dit à peine 30 000 voix au total. Venner quitte la politique sur ce fiasco et il décide de se consacrer à l'écriture. Il écrit ainsi une série d'ouvrages sur l'histoire des armes, l'une de ses passions depuis l'adolescence. Il en produira 23 en quelques années. Quand il réapparaît dans l'actualité, son passé d'activiste semble comme effacé. Comme ici, dans cette interview d'octobre 72, dans le journal de 13h de France Inter, où il évoque la sortie d'un nouveau livre, cette fois consacré à la vie politique française. En tout cas, ce qui m'a frappé, c'est que ce n'est pas un guide pour initier, mais au contraire un ouvrage de vulgarisation. C'est la politique à la portée de tout le monde. C'est un peu, si vous voulez, la politique à la portée de tout le monde, c'est un petit peu le guide Michelin, en quelque sorte, de la vie politique, qui ne s'adresse pas aux spécialistes, même si, j'espère, il y trouve quelque agrément, et qui s'adresse, en fait, à tous ceux qui suivent dans l'information la vie politique. Ton policé, apparente neutralité, l'inventeur des slogans anti-immigration de Tixier-Vignancourt, ou l'aspirant putschiste, se cache plutôt bien dans les habits de la courtoisie. Et voilà qu'il se présente désormais comme historien et se mue en essayiste compulsif. Retiré dans sa maison en Normandie, il chasse et il écrit, jour et nuit. À chaque fois, il tord l'histoire pour justifier ses convictions sur la supériorité de la civilisation européenne. En 2000, son histoire de la collaboration, qui suit son histoire de la résistance, publiée 5 ans auparavant, participe à la réhabilitation de l'extrême droite des allées noires de Vichy. Histoire et tradition des Européens, 30 000 ans d'identité, publié en 2002, se vend comme des petits pains. Il est réédité 2 ans plus tard. Dans les fêtes bleu-blanc-rouge organisées par le Front National de 1981 à 2016, les livres de Dominique Venner font recette. Ils forgent la matrice intellectuelle de plusieurs générations de militants. Parallèlement à cette hyperactivité éditoriale, Venner replonge dans la presse. Il fonde de nouvelles revues sous le sceau de l'histoire, cette fois, mais la caution de la discipline scientifique ne change pas le fond. Les couvertures qui se succèdent en témoignent. L'OAS et la guerre d'Algérie, Pétain devant l'histoire, l'aventure coloniale en Afrique, les écrivains et la collaboration, l'Europe et l'islam, un conflit séculaire, les grandes énigmes de la collaboration, ces droites qu'on dit extrêmes ou encore 1938, Munich, l'année Hitler. Dans son livre Testament, son autobiographie, Venner résume cette obsession d'une vie. Les historiens de l'avenir noteront que l'invasion de la France et de l'Europe par les foules africaines et musulmanes du XXe siècle commença en 1962 avec la capitulation française en Algérie. En décidant d'amener son drapeau, de retirer ses troupes, de replier la population européenne, d'abandonner ses partisans indigènes, la France ne se mettait pas à l'abri, comme certains l'imaginaient. Elle retirait la garde qu'elle montait depuis 1830 en Algérie, ouvrant son propre territoire à l'invasion de populations en surnombre. Ce jeudi 23 mai 2013, Dominique Venner prend le train pour Paris. Sa haute stature ne se courbe pas, malgré les ans. L'homme vient d'avoir 78 ans. Il a rendez-vous à la brasserie du Louvre avec ses vieux amis, 2 historiens, comme lui dévorés par les lunes nationalistes, Philippe Conrad et Bernard Lugan. Et Jean-Yves Le Gallou, le vieux routier de toutes les aventures d'extrême droite du demi-siècle passé. Et Venner a une grande nouvelle à leur annoncer. C'est pour aujourd'hui, je mourrai cet après-midi, leur dit-il après l'apéritif. Quelques heures plus tard, Venner remonte la longue nef de la cathédrale Notre-Dame. Il s'arrête devant l'autel au milieu du chœur. Le flot de touristes s'arrête. Il doit agir vite, avant la prochaine vague. Alors, il sort un vieux revolver belge de son pardessus, pose le genou droit à terre, puis s'enfonce le canon dans la bouche. Une seule balle, son corps s'affaisse. Un touriste russe assiste à la scène. Il alerte des agents de sécurité. Très vite, le corps de Dominique Vénère est recouvert des nappes blanches de l'hôtel et la cathédrale est fermée. Le caractère spectaculaire de ce suicide attire les médias, bien sûr, qui évoquent cet homme peu connu du grand public. Dans les rangs de l'extrême droite, en revanche, on sait ce qu'on a perdu. Marine Le Pen, celle qui dirige désormais le Rassemblement National et avant le Front National, après son père, et de cela, quelques heures après l'annonce de la mort de Dominique Vénère, elle lui rend hommage sur Twitter avec ces mots. Tout notre respect à Dominique Vénère, dont le dernier geste, éminemment politique, aura été de tenter de réveiller le peuple de France. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Dominique Vénère, 60 ans d'extrême droite française. Notre invité, Renaud Dely, bonjour. Bonjour Fabrice Drouel. Vous êtes l'auteur de L'Assiégé, le livre paru en janvier dernier aux éditions Jean-Claude Lattès et qui nous raconte donc Dominique Vénère. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cet homme au point d'en écrire un livre et quel était l'enjeu de ce livre ? Alors, disons que le déclic, ça a été son suicide en mai 2013 et surtout le sens politique de cet acte. Acte effectivement éminemment politique. Éminemment politique, comme l'a dit Marine Le Pen, voulant donc réveiller. Il a laissé une foultitude de textes à ce moment-là. Dominique Vénère appelait le peuple français et au-delà le peuple, l'Occident en quelque sorte, à se rebeller contre la menace de submersion migratoire. Et il s'avère que je connaissais ce personnage, mais il est extrêmement méconnu, très peu de gens le connaissent. Mais bon, simplement dans ma carrière de journaliste, j'ai fréquenté beaucoup l'extrême droite et le Front National, notamment dans les années 90. À l'époque, quand j'ai commencé à être journaliste, je fréquentais les rassemblements, les meetings. Et je savais que ce personnage, extrêmement discret, en retrait, était extrêmement influent. C'était une référence pour les différentes générations de cadres, de militants du Front National et au-delà, de tous les groupes de la mouvance de l'extrême droite, qui le lisaient, qui l'écoutaient, qui se partageaient, faisaient circuler les écrits de Dominique Vénère comme étant justement une sorte de guide, de vade-mecum du parfait militant, à la fois sur le plan idéologique, une vision du monde bien particulière, une vision d'assiégé, d'où le titre de mon ouvrage, et puis aussi sur le plan organisationnel, c'est-à-dire que tout au long de sa très longue vie militante, Dominique Vénère n'a eu de cesse que d'inciter ses disciples à s'organiser, à se professionnaliser, à essayer d'inventer une extrême droite entre guillemets dite moderne, un nouveau logiciel idéologique, une extrême droite plus professionnelle, mieux organisée, qui ne se contente pas de ressasser les vieilles lubies du passé, la nostalgie de Vichy ou de l'Empire colonial, mais qui invente donc un monde axé sur ces obsessions identitaires et donc qui se tourne vers l'avenir en vue d'une hypothétique prise du pouvoir. Est-ce qu'il y a dans la méthode une analogie avec ce qu'a été Maurras, par exemple, au début du siècle, les activistes d'extrême droite des années 30? C'est-à-dire que d'un côté, on a un théoricien et de l'autre, des gens qui agissent. Est-ce qu'avec Vénère, on a aussi ce schéma? Ce qui est très intéressant, c'est que Dominique Vénère lui-même a été l'un et l'autre, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il a tout été, tout au long de sa longue carrière, de son long engagement à l'extrême droite, il a été un activiste, un soldat d'abord, un soldat effectivement en Algérie, un terroriste aussi. Il a commis des attentats, d'où des séjours en prison. Il a été un activiste, aimant la bagarre, etc. Et puis en même temps, ensuite, il s'est rallié au légalisme, à l'activité militante et politique légale avec en créant des mouvements qui présentaient des candidats aux élections. Et puis finalement, il a abordé une dernière partie de sa vie qu'il s'auto-définissait comme étant un historien contemplatif. Donc là, il devient un écrivain, pensant que c'est avec les mots, avec les livres, avec les revues, qu'il peut conquérir les esprits pour préparer la prise du pouvoir. Donc c'est vrai que il a été lui-même il a incarné lui-même ces divers modes d'action de l'extrême droite, encore une fois, un activisme parfois violent, parfois illégal, ensuite une activité politique légale et militante, et puis une activité intellectuelle avec et ça aussi, c'est ce qui est assez fascinant chez Vénère, hein, 60 ans d'engagement, avec toujours le même projet, la même vision du monde, justement, de ce monde, c'est la même obsession identitaire, et toujours un projet radical. C'est-à-dire, même quand, lorsque les modes d'action devenaient plus modérés, entre guillemets, légaux, en apparence plus inoffensifs, moins brutaux, pour autant, jusqu'au bout, le projet est resté radical, preuve en est, son suicide, c'est-à-dire son geste final, ce qu'il appelait sa mort volontaire, qui est un geste éminemment donc politique et qui était le geste radical d'entre tous. Lui qui était soutenu par certains catholiques, que le geste n'a pas dû être apprécié, puisque se suicider va à l'encontre du dogme catholique. Et de surcroît, il s'est suicidé donc à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame, mais lui-même n'était pas chrétien. Il était devenu viscéralement anti-chrétien. C'était un apôtre, si j'ose dire, de l'extrême droite païenne. Il s'était rallié au paganisme, considérant comme toute une frange de l'extrême droite que finalement le christianisme c'était peu ou prou, entre guillemets, la religion des faibles, parce que le christianisme prône l'accueil de l'étranger, le partage, la tolérance, et lui s'était rallié à une extrême droite dite païenne, ancrée dans notamment des mythes gréco-romains, antiques, Sparte, des références comme ça. Et s'il choisit Notre-Dame, c'est pas parce que, comme chacun sait, c'est une cathédrale chrétienne, mais c'est parce que, selon cette mythologie de l'extrême droite païenne, cette cathédrale Notre-Dame a été bâtie sur un ancien temple romain datant du 3e siècle après Jésus-Christ, et précisément, Dominique Vénère choisit la dalle au pied de l'autel de Notre-Dame, sous laquelle aurait été, au 3e siècle, bâti un temple à la gloire de Jupiter. Malgré le logiciel nouveau qu'il essaie de créer, est-ce qu'on peut dire, ou pas dire, qu'il a fait le lien entre l'extrême droite pétainiste et collaborationniste et celle de notre époque ? Alors, je pense qu'il a réinventé une nouvelle extrême droite, c'est-à-dire qu'il a effectivement voulu dépoussiérer l'extrême droite. Lui-même était pétri, de par son histoire qu'on a entendue tout à l'heure, par l'histoire passée des défaites de l'extrême droite. La collaboration, d'une part, lui était un enfant sous l'occupation. Mais ses parents étaient bien impliqués. Mais il a vécu, effectivement, notamment le fait que son père était membre du PPF, que sa grand-mère était admirative de l'élégance de la tenue des soldats allemands qui occupaient Paris, et qu'elle lui racontait. Tout ça, ce sont les souvenirs qui l'ont bercé. Il a été bercé par ça, mais lui-même, évidemment, n'était pas collaborationniste. Ensuite, il a plongé donc dans les guerres coloniales, en l'occurrence en Algérie. Mais il y a un moment où, au fil de ses séjours en prison, il a essayé de théoriser le fait que l'extrême droite devait, en quelque sorte, faire table rase du passé, si j'ose dire, et se tourner vers un avenir ancré sur de nouvelles convictions, un nouveau logiciel idéologique. Et en l'occurrence, c'est la question migratoire. C'est l'obsession de l'immigration. Et c'est lui qui va être l'un des tout premiers à intégrer, mais vraiment au premier rang, cette obsession dans le logiciel programmatique de l'extrême droite, à l'occasion de la campagne présidentielle de Tixier-Vignoncourt en 1965. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Renaud Dely, quid de l'antisémitisme dans la pensée de Dominique Vénère ? Historiquement, elle figure au premier plan de cette tradition qu'il a fait vivre, et notamment à travers une revue comme Europe Action, qui est une revue essentielle qu'il a dirigée de 1963 à 1967, et qui était aussi le nom d'ailleurs d'un mouvement politique au même moment. L'antisémitisme est une colonne vertébrale de cette extrême droite-là. Et puis ensuite, au fil des années 60 et 70, l'obsession identitaire fait que l'antisémitisme, qui est toujours, qui persiste, qui demeure, devient en quelque sorte secondaire parmi les menaces agitées au regard de la soi-disant menace d'une submersion migratoire. Donc tout est une question de hiérarchie selon les époques, mais tous ces périls agités par Dominique Vénère et ses disciples et ses héritiers, en fait, l'intensité et la hiérarchie varient selon les moments, selon les périodes, mais toujours au service du même projet idéologique. Puisque vous parlez des héritiers, de ses héritiers, qui sont-ils aujourd'hui ? Qui peut-on nommer ? Là, ce qui est intéressant, c'est que l'héritage de Dominique Vénère peut sembler au premier chef tout à fait marginal. Il s'est suicidé en appelant en quelque sorte à la rébellion, à la révolte, l'Occident contre cette menace soi-disant de submersion migratoire. Cette révolte, cette rébellion ne s'est pas produite. Fort heureusement, ces appels à la violence n'ont pas eu d'effet. Mais on constate que l'héritage idéologique, l'héritage intellectuel lui a profondément imprégné, y compris les générations suivantes de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il y a un institut qui a été créé par ses disciples, hein, et notamment Jean-Yves Le Gallou, l'ancien député européen du FN, puis du mouvement de Bru de Maigret, qui est d'ailleurs lui-même, Jean-Yves Le Gallou, l'inventeur d'un autre concept à l'extrême droite, hein, le concept dit de préférence nationale, qu'il a inventé en 1983, alors qu'il était au Club de l'Horloge. Bien, cet institut Iliade pour la longue mémoire européenne convie un certain nombre de responsables d'extrême droite de France ou d'Europe, hein, de Grèce, d'Espagne, d'Italie. Il a déjà convié par exemple Marion Maréchal, qui a déjà été invité. Quand on se rend dans les colloques réguliers organisés par cet institut, on y croise hein, fréquemment des cadres du RN ou de Reconquête. Alors évidemment, si vous demandez à Marine Le Pen ce qu'elle pense de Dominique Vénère, elle va vous dire que c'est de la préhistoire, qu'elle ne le connaît pas, vous rappeliez qu'au moment de sa mort, de la mort de Dominique Vénère en 2013, Marine Le Pen a salué ce geste éminemment politique et cet appel au réveil du peuple français. 2013, c'est pas la préhistoire. Marine Le Pen était déjà patronne à l'époque du Front National. Oui. Elle avait déjà derrière elle une campagne présidentielle, celle de 2012, et elle professait déjà depuis une bonne dizaine d'années ce qu'elle appelle la dédiabolisation, c'est-à-dire en fait cet art de la dissimulation visant à rendre inoffensif un projet idéologique toujours aussi radical, art de la dissimulation, puisé lui-même d'ailleurs au sein de l'héritage de Dominique Vénère, puisqu'il a été un des tout premiers, à la toute fin des années 50 et au début des années 60, à expliquer aux militants d'extrême droite « Attention, pour conquérir, pour séduire plus largement, nous devons paraître inoffensifs, beaucoup plus avenants, et donc il y a toute une bataille lexicale à mener, il faut changer un mot, utiliser un mot pour un autre, tout en conservant le même projet. » Donc c'est en ce sens qu'on voit bien que Marine Le Pen, et au-delà d'ailleurs, tout son entourage, connaissent très bien l'héritage de Dominique Vénère, l'ont lu, et d'ailleurs y compris encore aujourd'hui, dans des bibliographies d'un certain nombre d'organisations, alors pas du Rassemblement National, bien sûr, il y a une prudence tactique élémentaire, il ne faut pas s'afficher avec un héritage aussi sulfureux, mais un certain nombre d'organisations étudiantes, notamment d'extrême droite, eh bien, dans leurs bibliographies, conseillent les ouvrages de Dominique Vénère à leurs militants. Alors, évidemment, le grand remplacement saute aux yeux dans cette pensée-là. Il a construit cette théorie. Dominique Vénère n'est pas le premier, c'est vrai. En règle générale, on attribue ce concept dit de grand remplacement à un individu qui s'appelait René Binet, qui est mort à la fin des années 50, qui était un ancien collaborationniste, ancien Waffen-SS, qui a été le tout premier à agiter cette menace dès la fin des années 40, hein, dès l'après-guerre. Il s'avère que Dominique Vénère l'a lu. Il a lu René Binet. Lui, il le connaît. C'est un auteur qui est assez méconnu, mais il le connaît. Et ensuite, il a effectivement, exploité exactement le même filon, c'est-à-dire la même menace, sans utiliser d'ailleurs le mot en lui-même, hein, l'expression en elle-même, grand remplacement. Mais c'est effectivement cette menace de submersion, de remplacement. Il parle de crime, hein, y compris dans les derniers textes testamentaires qu'il a laissés au moment de son suicide. Il explique que son suicide a vocation à alerter donc contre ce crime qui consiste à remplacer, selon lui, une population par une autre. Et donc, il a lui-même professé cette même théorie bien avant Renaud Camus le fasse au début du XXIe siècle. Donc, et on voit à quel point, derrière un certain nombre de précautions oratoires, ce qu'il y a derrière ce concept fumeux et complotiste hein, du grand remplacement, on rappelle qu'il s'agirait d'un complot des élites visant à remplacer les populations occidentales par des populations immigrées venues d'Afrique, pour résumer. Derrière, on voit bien qu'il y a, derrière un certain nombre de précautions oratoires, une convergence de vues des extrêmes droites autour de l'obsession identitaire, d'une menace identitaire qui est en permanence un argument électoral. Merci Renaud Denis. Merci à vous, Fabrice Drouel. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, 60 ans d'extrême droite française, Dominique Vénère, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.